tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse Sorcières, une série de Céline Duchesnay réalisée par Laurent Polleret. Au départ de cette série, il y a des images fascinantes et des contes à faire peur. Chaudron, manche à balai, sortilège, beauté vénéneuse, maléfices et démons au coin du bois. Il y a aussi ces femmes âgées, solitaires et qui soignent le voisinage, de ces mémés à la langue bien pendue et à qui on ne la fait pas, et qui, jeunes ou vieilles, sont de retour. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne, un médiéviste curieux, des femmes volantes, des chamanes, une gentille sorcière, des ethnologues et une chercheuse sur son terrain. Ensuite, le décor. Le sabbat, des stéréotypes, des métamorphoses, des orgies, des visions, une exposition, des images piquées d'aiguilles, des herbes, des cheveux, des gestes et des sortilèges. Aujourd'hui, deuxième épisode. Et soudain, The Cure à la harpe. Les victimes débuchées de sorcellerie des XVIe et XVIIe siècles sont appelées sorciers ou sorcières. Que recouvre ce terme de sorcière, Martino Storero ? Sorcière, c'est peut-être un hasard d'avoir utilisé ce terme de sorcière, parce qu'on constate un foisonnement de termes, aussi bien en latin que dans plusieurs langues, dans toutes les langues vernaculaires, pour désigner le crime de sorcellerie. Sorcière, fétilière, facurière, fascinière... avec leur contrepoint masculin, féturier, sorcier, tous ces termes ont un équivalent masculin. Chaque terme a une histoire. Les mots qui se rattachent à celui de sorcier, sorcière, viennent de l'idée d'ensorceler, de jeter un sort par la parole, par des pratiques. D'autres termes, comme bruja, ou bien les lamis, ou les striges, ou les coquemars, ou encore les masques, qui sont des termes qu'on trouve en français, en vernaculaire, en dialecte franco-provençal et également en latin, renvoient, eux, à une idée différente qui est celle d'un spectre ou d'un esprit nocturne qui voyagerait la nuit, qui se déplace dans les airs de nuit. C'est une croyance dans ce sens-là. D'utiliser le mot comme coquemar ou lami ou strige, c'est renvoyer à la croyance, à un esprit volant, nocturne, qui peut entrer dans des maisons, traverser des portes fermées et faire du bien ou faire du mal, suivant les cas. C'est des croyances qui sont attestées à plusieurs endroits, dans la péninsule italienne, dans la péninsule ibérique, dans le midi de la France également, un petit peu en Suisse occidentale et en France. Et cette croyance à des esprits nocturnes qui viennent en volant dans des maisons devient peu à peu une réalité. On finit par penser que ce sont réellement des êtres humains qui volent la nuit et qui commettent des maléfices. Donc on a passé aussi d'une croyance où on pénalisait des personnes qui disaient aller avec les fées, avec les brujas, avec les lamis, avec les striges, à la croyance qui devient condamné, qui devient un crime, d'être réellement des personnes qui volent la nuit pour entrer dans des maisons et commettre des méfaits. Ça, c'est une autre tradition complètement différente. Après, il y a tout un ensemble de termes qui renvoient à l'hérésie, qui renvoient au fait que la sorcellerie est un crime qui a été perçu, assimilé à une hérésie. Donc on trouve un ensemble de mots pour désigner la sorcellerie, mais qui renvoie à l'hérésie. Hérétique, hein, on qualifie les en Suisse occidentale, on qualifie les sorciers d'hérétiques vaudois modernes, de nouveaux hérétiques. On les qualifie aussi de vaudois au sens de l'hérésie de Valdo, les pauvres de Lyon. Donc on s'est appuyé, et ça c'est sûrement le fait parce qu'il s'agissait d'hommes d'église, en particulier de dominicains qui étaient habitués à la lutte contre l'hérésie et qui voient dans des individus qui vont accuser de sorcellerie des nouveaux hérétiques. Voilà, deux principales traditions. La dernière serait justement tout le lexique lié à l'empoisonnement. Les sorcières ou les sorciers sont qualifiés d'empoisonneurs ou de médecina dans certains, dans les dialectes catalans ou ibériques. Donc cette tradition de l'empoisonnement, du crime de poison, qui souligne la dangerosité des méfaits accomplis par des prétendus sorciers ou sorcières. Donc on a ces traditions qui finissent par se combiner et se rejoindre avec des variations suivant les régions et suivant les périodes. Carlo Ginzburg, vous êtes historien, auteur entre autres du Fromage et les Vers, Les batailles nocturnes et Le sabbat des sorcières. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux sorcières ? L'idée de travailler sur les sorcières, sur les procès des sorcières, m'est venue tout d'un coup lorsque j'étais étudiant à Pise, à l'école normale de Pise. Essayer de étudier les victimes, essayer de saisir le voix des victimes à travers, disons, les archives de la répression. Les archives de la répression sont façonnées par les questions des juges, par la torture, par les pressions psychologiques et culturelles des juges. Alors essayer de saisir les voix des victimes, c'est très difficile. Parce qu'il n'y a aucun, il n'y a pas de mémoire de victimes, de sorciers, sorcières, aucune trace écrite qui provienne des victimes. Non, en fait, disons, j'ai travaillé sur des procès des sorcières ou contre des sorciers ou des sorcières au XVIe et XVIIe siècle, procès d'inquisition en Italie, et j'ai jamais rencontré de témoignages écrits par les prétendus sorciers ou sorcières. Alors, si on se dirige vers ces personnes dites sorcières, donc oui. Nous n'avons pas de témoignages directs ni écrits, évidemment, de ces personnes, mais vous, à travers les procès, vous avez réussi à voir en creux, à voir un portrait, finalement, de femmes qui paraît bien plus ancien que les procès qui ont débuté donc pendant les temps modernes. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette femme dite sorcière, telle qu'elle transparaît à travers certains procès? Si vous voulez, pour moi, la richesse de ces documents, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il y avait avant, et parfois à côté, et parfois même ensuite, après, le stéréotype. Et comment les stéréotypes a émergé. Et justement, déchiffrer les stéréotypes. Parce que le stéréotype, il est répandu un peu partout en Europe, même en dehors de l'Europe, à travers, disons, la colonisation. Alors, mon idée, c'était, oui, il y a ces stéréotypes, mais lire les stéréotypes d'une façon littérale, c'est pas très intéressant. Et pourtant, c'est ce que on avait fait, c'est-à-dire par des historiens éminents, qui ne croyaient pas les aveux correspondaient à des actes, etc., mais quand même, l'idée que on pouvait aller au-delà de ce qu'il y a dans les aveux, qu'il y a des éléments inattendus dans ce procès, ça, c'était inattendu, pour les inquisiteurs et pour moi aussi. Carlo Ginzburg, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de la sorcière? Mais donnée par qui? Et voilà, alors, justement. Oui, et justement. Alors, donnée par, disons, les inquisiteurs, les démonologues, etc. C'est-à-dire, des femmes ou des hommes, parce qu'il y avait aussi des hommes, qui ont commerce avec le diable, qui, disons, sont parfois, ils ou elles adorent le diable, etc. Tout ça. Oui, et il y a, disons, la description du sabbat où se rencontrent nocturnes des sorcières et des sorciers, etc. Alors tout ça, c'est, disons, le stéréotype, qui est certainement intéressant dans le sens que il est le résultat d'une trajectoire historique que j'ai essayé de reconstituer. Alors le stéréotype, oui, ça implique parfois des métamorphoses des humains dans des animaux. Parfois, les humains volent dans la nuit vers le lieu de rencontre. Il y a, disons, la présence physique du démon. Il y a, disons, des orgies de copulation avec les diables. Et tout ça est décrit avec abondance de détails. Et, disons, le fait que les mêmes détails, ou presque, peuvent être rencontrés, disons, à quatre coins de l'Europe, ça prouvait pour les inquisiteurs la réalité du sabbat, la réalité de la secte, parce qu'on parlait d'une secte de sorciers et de sorcières qui menaçait la société, etc. Ces prétendues rencontres nocturnes, avec tout ce que j'ai dit. Mais alors, à mon avis... Donc qu'on peut manger, enfin c'était des gens qui pouvaient manger, oui, des enfants. Oui, il y a anthropophagie, il y a orgie sexuelle, il y a idolâtrie, il y a tout ça. Mais justement, je pense que il faut essayer de... disons, de comprendre dans quelle façon le stéréotype a surgi. Votre regard à vous d'historien sur ces personnes dites sorcières va vous amener dans un voyage dans le temps et dans l'espace absolument faramineux. Parce que à travers les questions et les réponses, tous ces procès que vous avez pu lire, vous avez perçu un tout autre chose qui vous a amené du côté des steppes sibériennes, qui vous a amené aussi du côté du chamanisme. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé, par exemple, ce lien avec le chamanisme? Qu'est-ce qui fait que, quand vous avez lu ces procès, vous êtes parti, vous vous êtes dit que la sorcière était une figure bien plus ancienne que ça et qu'elle remontait de la nuit des temps? J'ai essayé de réfléchir sur ça d'une façon rétrospective, décennies après. Et là, j'ai essayé de réfléchir sur, disons, cette hypothèse chamanique. Là, il y a un livre qui m'a marqué d'une façon profonde, un livre qui a été traduit aussi en français, d'un anthropologue italien, très remarquable figure d'anthropologue, qui s'appelle Ernesto De Martino, « Le monde magique ». C'est un livre qui est sorti en 1948, et c'est un livre où De Martino avance une thèse surprenante, et je dois dire, c'est une thèse que je ne partage pas absolument. C'est-à-dire que les pouvoirs magiques existent, sont une réalité. Alors, je n'ai jamais partagé cette foi de Martino dans la réalité des pouvoirs magiques. Il était intéressé à la parapsychologie, je ne suis pas intéressé du tout à ça, mais j'ai été fasciné par ces livres. Et en fait, ce que j'ai compris d'une façon rétrospective, c'est que au début du livre, il y a une citation très longue tirée d'un livre fondamental sur le chamanisme d'un anthropologue russe, Sergei Shirokogorov. Il a publié ce livre en anglais à Londres en 1935. Et il s'appelle « The Psychomental Complex of the Tungus », le complexe psychomental. C'est un néologisme inventé par Shirokogorov, de cette population, les Tungus, où les mots chamans existent. Ça a été les noyaux, disons, de ce terme qui a eu cette... C'est répandu à travers les mondes de chercheurs. Alors, j'ai lu... mais avec des décennies de retard, si vous voulez, ce livre de Shirokogorov. Et lui aussi, il avait joué un rôle important dans la formation de De Martino, parce que Shirokogorov était convaincu que ce pouvoir magique existe. Il y a des figures, hommes et femmes, qui ont un rapport privilégié avec l'au-delà. C'est ça, au fond, c'est ça l'élément chamanique, on peut dire. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont été marqués très souvent depuis leur enfance, depuis leur naissance, par des éléments physiques, des anomalies physiques. Ils étaient nés coiffés. Avec le placenta sur la tête. Parfois, il y a des boiteux. Des gens qui ont un accès au l'au-delà et ils peuvent revenir de l'au-delà. Alors, dans ce voyage à travers l'espace et les temps, on retrouve de figures mythiques très différentes. Il y a, ce rapport privilégié avec l'au-delà, avec les mondes des réalités invisibles. Et c'est ça, au fond, le thème profond de ma recherche. Vous pensez que ces gens qui étaient considérés comme sorciers ou sorcières venaient d'un temps, en fait, beaucoup plus lointain, enfin, avaient des connaissances qui remontaient à des temps beaucoup plus anciens et qui pouvaient ramener donc au chamanisme, ou alors, parce que vous avez différentes pistes dans le livre, il y a le chamanisme d'un côté, mais il y a cette déesse qui peut prendre le visage d'Artémis ou de la déesse mère, où ils étaient finalement, ils conservaient en eux, dans leur inconscient, ou à travers l'oralité, toute cette mémoire ancienne. Parfois, mais pas toujours, parce que, disons, il y a des dizaines et des centaines même de procès des sorcières où il n'y a rien de ça, et il y a simplement, disons, l'imposition du stéréotype négatif à travers, disons, la torture, à travers, disons, le pouvoir symbolique incarné par l'inquisiteur, etc., ou le juge. Mais il y a aussi, disons, des anomalies dans la documentation. Dans ce dossier énorme, il y a des anomalies. Et j'ai essayé de travailler en partant des anomalies. Alors, ce que j'ai dit est bien différent par rapport à l'idée que chaque fois où il y a une prétendue sorcière, il y a, disons, un souvenir ou une transmission d'un héritage chamanique. Pas du tout, c'est pas ça. J'ai essayé de, disons, reconstituer à travers des bribes quelque chose qui est normalement effacé, mais qui a existé et qui parfois perce. Mais alors, selon vous, Carlo Ginzburg, après toutes ces lectures, après toutes ces années de recherche, la sorcière, enfin votre la sorcière telle que vous pouvez l'imaginer, elle ressemble à quoi ? Le vol nocturne, par exemple, la métamorphose animale ? C'est-à-dire que il y a, je crois, ce rapport avec l'au-delà. Et l'idée que il y a quelqu'un ou quelques-unes qui peuvent, disons, aller dans l'au-delà et revenir. Et il y a un côté presque professionnel, c'est-à-dire ce sont des individus marqués par ça, et sont en tant qu'individus marqués qu'ils peuvent voyager dans l'au-delà, en vol, métamorphoser un animal, oui, on dit ça, et ils peuvent revenir. À la fin de mon livre, j'ai lancé une hypothèse audace dans quelques lignes, deux ou trois. La matrice du conte, tous les contes possibles. Aller dans un autre monde et y revenir. Dans un monde qui n'est pas le monde du conteur ou de celle qui conte l'histoire de Cendrillon, d'un loup-garou ou n'importe quoi. Pas seulement, disons, des contes des fées, mais tout genre de contes. Raconter, c'est établir cette liaison avec un monde invisible qui n'est pas le monde où se déroule la performance du conteur. Tout à fait égal. plus être très loin du centre de la Terre. Je vais ressortir où les gens marchent la tête en bas et les pieds en l'air. Oh, je suis stupide. Personne... Oh. Je sais pas qui c'est, je sais pas, mais elle m'intrigue. Et du coup, le monsieur m'a donné la photo. Une photo anonyme pour que je retrouve son histoire. Une femme soldat des années 40. C'est bon, retrouver son histoire ? Je vais essayer. Ouais, tu vas essayer ? Ah oui. Là, je suis partie pour... Elle m'intrigue, c'est quand même pas évident de trouver une femme anonyme comme ça, qui est partie, qui a fait la guerre. C'est beau. Elle a de l'aplomb, ça doit être une maîtresse femme. Incroyable. J'adore les vieilles photos. Voilà. Y a rien. Donc je vais trouver. Ah, par des voix. Des voix normales et puis d'autres voix un peu plus impénétrables. Je vais m'amuser. Ouais, ça va être bien ça. Ouais. On va voir si je suis radiophonique. Voilà. Qu'a-t-elle, êtes-vous une sorcière? Oui. Peut-être une sorcière blanche. Celle qui ne jette pas de sorts mauvais. Voilà. Je suis plutôt une bonne sorcière. Contrairement aux sorcières noires ? Oui. Qui jettent des sorts, qui sont peut-être plus visibles aussi. Oui. Donc, une sorcière blanche, c'est plus une femme de l'ombre, C'est l'ombre qui apporte la lumière. C'est rester caché pour apporter la plus de lumière possible. Ouais, c'est ça. Comment êtes-vous devenue sorcière ou est-ce que vous êtes née sorcière, Qu'a-t-elle ? Je pense que je suis née sorcière. Ouais, j'ai toujours eu un bon lien avec les animaux. Extrêmement puissant. Petit à petit, j'ai vu des choses que les autres ne voyaient pas. J'ai cru devenir folle. Et puis non, ma foi. Et puis ça s'est imposé gentiment, au fil des ans, comme une évidence en fait. Ça a été limpide, une source claire. Ouais, c'est très bien comme ça. Et alors ces choses que vous voyez que les autres ne voyaient pas, qu'est-ce que c'était par exemple ? La mort. La mort est très commune à mon monde. Ça me fait pas forcément peur maintenant. Quand j'étais plus jeune, quand la mort venait me voir, c'était comme si j'avais l'impression que c'était moi qui donnais la mort, en fait. Ce qui n'est pas le cas. Je voyais les fantômes des gens, ou dans les églises, des gens qui ont été torturés dans certaines époques. Enfin, ça a été assez horrible de rencontrer ce monde-là, de l'intégrer aussi, comme faisant partie de moi, et que ce n'était pas moi qui en étais responsable. Ouais. Et comment est-ce que vous avez réussi à mettre cette mort, je dirais, à la bonne distance ? Avec le temps, en mettant de plus en plus de filtres. On va dire qu'il y a un filtre de la vie quotidienne. Je suis presque normale. Et puis, quand j'ouvre cette vanne, le monde s'expand. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est une expansion après. Qu'est-ce qui fait de vous une sorcière plutôt qu'une guérisseuse ou une... Il y a des termes qui viennent à l'esprit, magnétiseuse, énergétiseuse, penseur de secrets. Vous, c'est ce terme de sorcière que vous revendiquez ? Parce que je voyage la nuit. Parce que la nuit est très importante pour moi. Parce que les cailloux peuvent me parler. Parce que je suis en lien avec plusieurs femmes. Et que parfois nous nous réunissons et que... faisons certaines choses pour certaines personnes. Voilà. Moi, c'est en ça, être sorcière aussi. C'est avoir une communauté. Vous voyagez comment ? Respiration, déjà. Et puis... avec beaucoup de respiration, on se met dans un état second. Et on traverse des mondes. On peut voir plein de choses. Si on a certains questionnements, on peut aller à la rencontre de ces questionnements ou aller à la source d'une maladie. Ou... Oh, j'adore ça. C'est un monde qui peut faire peur. Les codes ne sont pas les mêmes. Vraiment pas les mêmes. Et qu'il faut être très humble. C'est ça, c'est l'humilité. Très important. Et revenir en tout entier. C'est très important. Ne pas se perdre en route. Oui. Et quand vous voyagez, est-ce que vous avez l'impression de prendre une forme particulière ou alors c'est vraiment un voyage de l'esprit ? Ouais. Des fois, c'est un voyage de l'esprit. Parfois, ça peut être prendre la place dans un oiseau. Sentir au bout des doigts les plumes, sentir que la forme est différente, le squelette, tout devient, ce n'est plus humain, c'est juste extraordinaire, on rentre dans la peau d'un animal. C'est difficile à décrire, tellement c'est puissant. Mais sentir le vent sur ses plumes ou sentir son crâne rentrer dans le crâne d'un oiseau, c'est très impressionnant. Voir pas comme moi, voir différemment, ou même rentrer dans l'esprit d'une plante, ça c'est extraordinaire, ça j'adore. Quand une plante me montre à voir comment elle voit, ça c'est... Certaines plantes nous voient comme des filaments bleus et rouges, c'est très curieux, comme notre schéma sanguin, c'est très curieux. Au départ, j'ai eu du mal à comprendre que c'était humain, ce que je voyais. Au bout d'un moment, on comprend que c'est humain. C'est particulier. Est-ce que les plantes, comme les animaux, peuvent vous donner les réponses que vous cherchez ? Oui. Oui. C'est pas seulement les morts, parce qu'au début, on avait parlé des morts. C'est les morts. Et c'est aussi d'autres voyageurs. Les animaux sont d'autres véhicules. Et quand ils m'autorisent à voyager avec eux, c'est un autre monde. C'est être autorisé à pénétrer un regard plein d'amour. Ça a changé quelque chose en moi, ça. Le fait de voyager avec les animaux a changé mon regard. Et peut-être plus doux qu'avant. Plus de bonté. Hmm. Ouais, c'est ça. Ouvrir la porte à la beauté. C'est ça. C'est pas mal. J'y crois pas. Jouer au loto un vendredi 13, passer sous une échelle... Quelle place faisons-nous dans notre société à ce que les esprits dits cartésiens appellent l'irrationnel et qui relève d'une autre culture que la culture scientifique dominante ? Dès la naissance, bonheur et malheur s'entremêlent dans nos vies. Nous voyons dans la bonne fortune et le mauvais sort les manifestations opposées des forces invisibles, manipulées ou non par des experts de l'insaisissable, voyants, guérisseurs, sorciers. Lorsqu'un désembouteur au service de son client pique avec des épingles l'image d'un jeteur de sorts, le fait-il pour le bien ou pour le mal ? Le domaine de la magie est celui de l'incertitude, de l'ambiguïté et du doute. Quand pratique et rituel s'attachent à forcer le destin au gré des désirs de chacun, c'est l'intention, la bonne ou la mauvaise volonté qui dicte leur loi. Avec le regard de l'ethnologue, l'exposition « J'y crois, j'y crois pas » invite à se questionner sur un sujet toujours bien présent dans notre société contemporaine, près de nous, en Bretagne, comme partout en France, en s'abstenant de tout jugement a priori sur les phénomènes en cause. Car s'agissant de croyances, qui d'entre nous peut prétendre qu'il n'a jamais cru et ne croit à rien, ou à rien d'autre qu'à la science ? Alors on est devant une vitrine où on voit un certain nombre d'envoûtements d'amour. Et ce sont des, enfin ce qui domine, c'est la couleur rouge et des cœurs. Alors on pourrait peut-être décrire Céline Janas, directrice du musée de Bretagne. Ce petit cœur qui se présente en fait sous la forme de deux cœurs rassemblés par un certain nombre de tours de laine rouge. Donc la symbolique là aussi du rassemblement des deux tourtereaux, puisque le malheur sorcier cherche là finalement l'union, c'est-à-dire s'attirer les faveurs de quelqu'un qui ne semble pas avoir les prédispositions pour. Et on retrouve dans la symbolique également des chiffres, les aiguilles, donc les épingles qui sont fichées dans le cœur au nombre de 11. Aiguilles elles-mêmes terminées par une petite boule rouge. Et au sein de ces deux cœurs est entaillée, il y a une entaille au milieu, dans laquelle on retrouve finalement la photographie de l'être aimé, de l'être cher, dont on cherche, on va dire, à s'attirer l'amour. Ce cœur vient d'où ? Alors c'est un cœur qui a été utilisé dans le cadre d'un rituel d'envoûtement dans les années 1990 en Mayenne, et qui a donc été collecté par un ethnologue. Pareil, là, on va faire la même chose. Je vais déplacer les énergies. La présentation de ces objets, elle impressionne parce qu'en fait, elle semble venir finalement d'une autre époque. L'ensemble de ces objets ont été collectés par un ethnologue qui s'appelle Dominique Camus, qui a beaucoup travaillé sur la sorcellerie en France et notamment en Bretagne. Et c'est des objets qui datent des années, grosso modo, 1980 à 2000. Alors c'est des objets en plus qui sont assez, j'allais dire, laids, en tout cas qui ont un caractère repoussant, mais en même temps pour lequel le sorcier a mis quand même un certain soin à les préparer, un certain temps surtout. Avec quels matériaux ? Alors les supports d'envoûtement que nous présentons sont soit des figures humaines, donc des représentations humaines, soit des représentations d'animaux, puisque du coup les supports d'envoûtement peuvent être aussi de le malheur sorcier s'exerce aussi beaucoup dans le milieu rural, donc pour porter atteinte aux récoltes, au bétail. Et alors bien sûr les clous on les retrouve souvent liés là aussi à une quantité, à un nombre qui est en lien avec les propriétés magiques des nombres et des chiffres. Et puis généralement il y a un système de grillage, de tressage finalement de fil de fer, de fil barbelé qui est appliqué. Et puis ensuite une sorte de construction de la poupée qui peut être en plâtre ou en papier mâché. On peut également avoir des supports d'envoûtement à base de cœurs de volaille généralement. Et on retrouve également des épingles de couleurs, alors le rouge, le noir, qui sont les couleurs qu'on retrouve généralement en lien aussi avec les affaires de cœur, la symbolique voilà, que l'on retrouve lié à l'amour. Et puis on retrouve également des effets personnels des victimes en quelque sorte. Et là on voit que le sorcier finalement il évolue avec son temps. Donc aujourd'hui le lien matériel le plus simple c'est la photographie. Mais on trouve aussi des cheveux ou des restes entre guillemets d'éléments ayant appartenu aux personnes. Donc ça peut être des lambeaux de vêtements, de tissus. Donc on a des envoûtements de haine et des envoûtements d'amour. Et puis également alors qui peuvent être liés effectivement à la recherche de l'être aimé ou à des affaires purement financières. Pour connaître si une personne mourra d'une maladie ou s'il en reviendra, allons le voir. Prenez de la verveine à la main. Et quand vous serez proche du lit du malade, vous lui demanderez comment il se porte. S'il dit qu'il se porte mieux, il en échappera. S'il répond le contraire, il n'en reviendra pas. Si on veut se faire aimer d'un homme ou d'une femme, on se frottera les mains avec du jus de verveine et ensuite on touchera celui qu'on voudra amouracher. Ce secret a été souvent éprouvé. Pour chasser les puces d'une chambre, arrosez-la avec de la décoction de rue, de l'urine d'une jument, et il n'en restera point. Pline assure que c'est le meilleur remède qu'on puisse trouver. Tournez tes yeux. Je remonte ton front, le haut de ton crâne. Maintenant, tout doucement. Dans l'exposition, le monde de la guérison et le monde des plantes magiques, finalement, est également très présent. On peut avoir des sachets protecteurs avec des plantes à l'intérieur. On peut avoir également des plantes qui soignent, bien sûr. Donc ça qu'on présente au travers de recettes, au travers des herbiers également. Donc soit en application, soit en ingestion. Donc ça, c'est plutôt à mettre en relation avec ce qu'on pourrait appeler la médecine des simples, finalement, et qui est plutôt liée, finalement, à l'observation de méthodes empiriques dont on sait qu'elles fonctionnent et dont on sait aussi aujourd'hui qu'elles ont pu être prouvées de manière très scientifique par des actifs, en fait, qui agissent sur le corps. En exécutant une croix sur la tête de la personne ou de l'animal, chuchotez trois fois de suite. Feu, feu, feu froid, feu chaud, feu blanc, feu rouge, feu de tous les feux. Sors de Dominique, pauvre créature de Dieu Tout-Puissant, comme Judas a perdu ses couleurs au jardin des oliviers. Feu, feu. Feu froid, feu chaud, feu blanc, feu rouge, feu de tous les feux. Sors de Dominique, pauvre créature de Dieu Tout-Puissant, comme Judas a perdu ses couleurs au jardin des oliviers. Feu, feu, feu froid, feu chaud, feu blanc, feu rouge, feu de tous les feux. Sors de Dominique, pauvre créature de Dieu Tout-Puissant, comme Judas a perdu ses couleurs au jardin des oliviers. Concluez par trois pater et trois ave. On a là sous les yeux un sachet de protection contre les incendies. Donc ça, c'est le sachet noir. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ? Ça, c'est un sachet de protection qui a été donné par un des envoûteurs des Côtes d'Armor dans les années 80. Et dans ce sachet, qui est un sachet en lainage noir fermé par une corde, il y a à l'intérieur des feuilles de fougère, trois charbons de bois du bûcher de la Saint-Jean et une prière de Sainte Agathe contre le feu. Donc on voit qu'on a finalement trois éléments associés à la protection, un élément naturel, un élément minéral, et le monde du feu est souvent très présent, et le volet incantation avec la prière. Et dans ces prières, on trouve souvent des prières qui sont aussi utilisées dans un contexte religieux ou à l'église. Donc les deux mondes sont vraiment étroitement liés. Il y a un sachet blanc qui est un sachet de protection du bétail qui lui date du début des années 2000 et qui vient d'Ille-et-Vilaine. Grosso modo, c'est à peu près le même type de sachet. Bon, là, il est en coton. Ça ressemble à une bourse, finalement. Et ce sachet, il contient une formule de protection et il contient du sel. Alors, le sel, c'est aussi un élément qui est souvent utilisé. On parlait de l'eau qui est utilisée pour purifier. Le sel est souvent utilisé comme protection, comme les forces maléfiques. Donc, on va en disposer sur les rebords des fenêtres, sur à l'entrée des étables, des granges, devant les portes. Et on va tracer souvent des cercles pour finalement se protéger du mal. En faisant le signe de croix sur l'entorse, murmurait trois fois. Entorse, détorse, veine, nerf, veine sautée et très sautée, je prie Dieu et notre bonne dame de Mars de la remettre dans l'endroit où elle était, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Entorse, détorse, veine, nerf, veine sautée et très sautée, je prie Dieu et notre bonne dame de Mars de la remettre dans l'endroit où elle était, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. En quoi consiste votre travail? Quand je vais au chevet d'une personne qui est dans le coma et m'autorise à rentrer dans son monde, d'une certaine manière, c'est pour arriver à la sortir du coma. Je vais rentrer là où il y a le problème, le cœur du problème. Alors souvent, dans ce que j'ai rencontré, ça tourne en boucle. Par exemple, l'accident tourne en boucle, ça n'arrête pas. Il faut arrêter ce chemin-là. Donc il faut rentrer dans... faut comprendre déjà où en est la personne. C'est un entre-deux. C'est pas vraiment la mort, c'est encore autre chose. Et c'est arriver à trouver la porte pour que la boucle s'arrête et lui montrer l'autre chemin, ce qui est à côté. Et une fois qu'on est arrivé à montrer cette petite porte, quelque chose se déclenche et il peut voir. Oui, c'est ça, c'est savoir voir une autre réalité. C'est lui montrer que sa réalité ne s'arrête pas à l'accident ou à autre chose. Ça peut continuer encore. C'est très étrange comme voyage. C'est souvent très émouvant. Surtout quand deux jours après, en général, il y a un réveil ou des choses comme ça. Ça, c'est... c'est peut-être en ça être sorcière. C'est savoir rencontrer le chemin de l'autre. Ouais. Ça ne veut pas dire spécialement travailler avec des manuels ou des outils ou des rituels? On a des rituels. J'en utilise, mais peu, contrairement à d'autres. Moi, j'ai appris à voyager, à travailler avec rien. Enfin, rien de visible, en fait. Ou très peu. Alors, j'ai un autre outil qui sert à protéger les gens. Je crois que tout le monde l'a. C'est des outils... tout simple, assez géométrique, et ça permet de les protéger, surtout de l'extérieur, ou de ceux qui ont fait du mal aussi, les jeteurs de sorts. Une partie de votre travail peut être de lutter contre des mauvais sorts? Oui, certaines personnes qui arrivent ici sont possédées, il faut faire sortir tout ça. Et là, il faut beaucoup d'aplomb, il faut être bien ancré. Il ne faut surtout pas partir dans le monde qui nous est ouvert et surtout ramener la personne au présent pour que son esprit revienne en entier. Parce qu'en fait, c'est une totale dichotomie de la personne, en fait. Et là, on a besoin d'outils, du sel, d'eau et beaucoup de patience. Et avoir des très bons gardiens. Être sûr déjà de qui l'on est, pour pouvoir ramener la personne au monde présent, pour qu'elle arrive à retrouver sa force, son intégrité. très impressionnant parfois. Qu'est-ce qui est impressionnant, par exemple ? Par exemple, quand on rencontre la personne et qu'elle veut se faire déposséder, il y a quelque chose, une lutte, il y a une vraie lutte. Et c'est là qu'il faut être armé pour ne pas se faire maltraiter, d'une certaine manière. C'est comme les prêtres exorcistes, hein, un peu. Parfois, physiquement, la personne devient très très forte. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle projette comme démon, d'une certaine manière. Il faut savoir être très droit dans son cœur. Il faut avoir un grand amour à ce moment-là, pour que ça s'apaise très vite. On peut avoir très peur, mais il faut chasser la peur tout de suite. Toujours rester dans son cœur, toujours. Le cœur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Jeanne Favret-Saada, vous êtes anthropologue. De 1969 à 1975, vous avez effectué une enquête de terrain sur la sorcellerie paysanne dans le Bocage de l'Ouest. Alors, vous avez sorti un premier livre qui a fait date dans l'histoire de l'anthropologie, « Les mots, la mort, les sorts » en 1977, puis « Corps pour corps » avec José Contreras en 1981 et « Désorcelé » en 2009. Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir ? On m'avait dit qu'il y avait beaucoup de sorcellerie dans la région. Et quand j'y suis arrivée, je me suis aperçue que c'était justement la chose dont personne ne parlait. Et il a fallu que j'attende, sans comprendre que cela m'arrivait, d'être moi-même dans ces conditions particulières pour qu'on m'en parle. La sorcellerie, c'était si mal vu par l'État, par la justice, par, etc., par l'école, par l'Église... que personne n'aurait accepté de dire publiquement qu'il y croyait ou qu'il y avait recours. Simplement, quand des familles de cultivateurs étaient pris dans des malheurs à répétition qui atteignaient aussi bien leur corps, celui de leurs animaux, leurs plantes, leurs machines, etc., c'est-à-dire tout ce qui est dans une exploitation agricole, quelqu'un, un jour... voyez l'aggravation des malheurs et vous leur disiez, il n'y en aurait pas un par hasard qui te voudrait du mal. Et celui qui venait, que j'ai appelé l'annonciateur, c'était toujours un ami qui était lui-même passé par une crise de ce genre et qui avait toujours été tiré d'affaire par un personnage qu'on appelle là-bas le désorceleur. C'est-à-dire quelqu'un qui dit faire des rituels, qui fait des rituels... qui sont censés récupérer et faire revenir toute la force. En fait, on pense la sorcellerie comme l'action du sorcier comme « il te retire ta force ». Et on appelle force aussi bien la santé, la richesse, la bonne santé des machines, etc., de tout ce qu'il y a sur l'exploitation. Et donc, le désorceleur est censé remettre les choses à leur état normal en attaquant la personne qu'on a identifiée comme étant celle du sorcier. Alors j'aimerais revenir aussi sur le fait que la personne qui subit une succession de malheurs va s'adresser à un désorceleur. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas s'adresser, par exemple, à un prêtre ? Parce que les prêtres, c'est bien connu, n'y croient pas. D'abord, on était après Vatican II, et donc on avait d'ailleurs... réduit le nombre d'exorcistes dans les diocèses à un nombre ridicule. Et j'ai été voir les trois exorcistes des diocèses de la région où je travaillais. Et tous me disaient, l'Église n'emploie les exorcismes que pour la possession diabolique. Pas pour des sorciers. C'est une hérésie de l'employer pour des sorciers. Et donc ils me disaient tous... ces paysans, ils sont trop bêtes pour que Satan ait envie de venir dans aucun d'eux. Donc, ils les envoyaient à l'hôpital psychiatrique. Et la réponse de l'hôpital psychiatrique était laquelle ? Que c'était une bouffée délirante, que c'était du délire. Est-ce qu'il y a un lien, même ténu, même lointain, entre les procès de sorcellerie qu'il y a pu y avoir au temps moderne et ce que vous avez pu entendre dans le Bocage de l'Ouest ? Non, mais là, vous posez la question d'un héritage historique. Je crois que je peux montrer comment ce sont des idées universelles, c'est-à-dire dans les contes oraux, qu'on a appelés par la suite contes populaires, qui existaient avant l'invention de l'écriture, qui sont répandus dans toutes les parties du monde, avec exactement les mêmes types de récits, les mêmes fonctions dans les récits. On est propre à étudier les fonctions, l'analyse structurelle des récits pour montrer qu'il s'agisse d'un conte vietnamien, d'un conte croate ou d'un conte français. Ils sont fabriqués de la même façon et ils parlent des mêmes choses. Bon. Alors, l'hypothèse, ou la certitude, peu importe, de la bipartition de l'humanité en deux espèces dont l'une aurait affaire pourrait se brancher sur des forces extraordinaires et l'autre n'aurait que sa pauvre force normale pour se défendre, ça existe depuis avant l'écriture. Hein? Donc c'est pas la peine de se dire que parce que des juges au XVIIe siècle, au XVIe siècle, ont appelé sorciers telle personne et les ont emprisonnés, et que dans la même région, quatre siècles plus tard, des journalistes appellent sorciers telle personne, qui sont liés au fait que certaines personnes disposeraient de pouvoirs extraordinaires. Mais c'est une idée absolument générique de toute l'humanité partout. Ça fait partie des idées que les humains ont sur le contrat social. C'est-à-dire, si le contrat social était respecté, il n'y aurait qu'une seule catégorie d'êtres humains, ceux qui n'ont que des forces normales. Dans ce cas, comment expliquer ces malheurs extrêmes qui se produisent parfois ? Donc on suppose que certains d'entre nous, ceux à qui Kwon Sot s'attendrait jamais, mon meilleur ami, etc., disposent de pouvoirs anormaux. Et donc ça, c'est des idées, mais d'une universalité extraordinaire. Il est inutile de dire que ce que les juges ont condamné au XVIe siècle, c'est-à-dire ça laisserait croire que la sorcellerie aurait pu s'instituer en contre-société dans un pays comme la France, qui est extraordinairement autoritaire, avec une administration extraordinairement étendue dans les moindres hameaux. C'est impensable. Sorcières, une série documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret, aujourd'hui Sorcellerie. Avec par ordre d'apparition Martine Ostorero, Carlo Ginzburg, Catel, Céline Chanas et Jeanne Favre-Saada. Les lectures des admirables secrets d'Albert Legrand et du livre des secrets de Dominique Camus sont faites par Elina Lovenson. L'exposition J'y crois pas, magie et sorcellerie se tenait à Rennes, au Champ Libre Musée de Bretagne. Bande son de Sophie Berger. Prise de son Yann Fressy. Mixage Alain Joubert. Merci à Julien Salo et à Christelle Hénaud. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au sabbat, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième étape, figure de sorcière. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.